God. La voz sin fronteras. La voz sin frontera. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. صوت بلا حدود. La voix sans frontières. Bienvenue chez La Voix sans frontières. Aujourd'hui, le 26 mars, à midi pile, La Voix sans frontières, on veut donner la parole aux sans-papiers. On veut diffuser les infos, créer le débat et récolter des témoignages autour des luttes des sans-papiers, mais aussi sur leur vie au quotidien. Voilà, on est avec une grande équipe aujourd'hui et l'idée est née, en fait, l'émission de discussion « Comment relancer une énergie et une envie de lutte ?» On émet en français et en arabe. On veut créer donc un espace de rencontre entre différentes communautés, entre le soutien, les sans-papiers, entre les gens qui connaissent rien des sans-papiers et d'autres. On fait référence à la voix des sans-papiers, donc leur parole, mais aussi au chemin, à la voix d'un monde sans frontières dont on veut discuter dans notre émission. Petit rappel que nous accueillons tous les gens qui veulent nous aider à construire cette émission. On a toujours besoin de nouvelles énergies, de nouvelles forces, que ça soit d'autres horizons ou dans une autre langue. Voilà, on a besoin de vous et on a envie que vous participiez. Pour le moment, l'équipe, c'est Faisal, Saïd, Gwendoline, Céline et Maïka. Voilà, vous pouvez écouter notre émission tous les derniers samedis du mois et c'est rediffusé 2 semaines après. La prochaine émission, c'est le 23 avril et vous pouvez toujours nous contacter au vsf1000@hotmail.fr ou appeler au 02 732 04 50. مرحبا بكم معنا على أمواج راديو بانيك في برنامجكم الشهري صوت بلا حدود. صوت بلا حدود يعطي الكلمة للمهاجرين بدون رخصة إقامة، يذيع الأخبار، يخلق نقاشات ويجمع شهادات حول نضالاتهم، ولكن أيضا حول عملهم وحول حياتهم اليومية. نشأت فكرة هذا البرنامج من مناقشات وحوارات للوصول إلى أهداف الاعتراف بحقوق المهاجرين الغير شرعيين، ولخلق أيضا مجال للنقاش واللقاء. يذاع البرنامج باللغتين العربية والفرنسية. صوت بلا حدود يشير إلى صوت وأراء المهاجرين الغير شرعيين وكذلك إلى طريق بدون حدود. نرحب بكل من يريد المشاركة معنا والانضمام إلينا. فريق البرنامج: أنا سعيد، فيصل، أنس، مايكا، سيلين، غوندولين والتقني جيوم. يذيع البرنامج كل أسبوع رابع من كل شهر ويعاد بعد أسبوعين للمشاركة في يمكن مراسلتنا على البريد الإلكتروني للمشاركة vsf1000@hotmail.fr. أعيد vsf1000@hotmail.fr. نترككم الآن تستمعون إلى موسيقى ثم نلتقي بعدها لكي لنكمل باقي فقرات البرنامج. On vous laisse écouter cette musique. Laissez passer les sans-papiers et on vous trouve juste après. Vous êtes sur Radio Panique, c'est La Voix sans frontières. Aujourd'hui, comme il fait super beau, on a décidé de réserver une place spéciale à la parole des femmes sans-papiers. Comme quelqu'un m'a dit une fois, les sans-papiers. Et on va discuter de leur réalité. Voilà, on discutera aussi de nouvelles initiatives de lutte qui sont en train de se mettre en place à Bruxelles. Et comme chaque mois, l'actualité sera discutée d'un point de vue de sans-papiers. Avec nous, aujourd'hui, autour de la table, on a Zahira, bienvenue. Merci. Elke Gutierrez de Orca, merci d'être. Et un special guest, Bachir, qui va nous jouer à la guitare. Merci. في بلجيكا النساء المهاجرات بدون رخصة إقامة يجدن أنفسهن في وضعية جد صعبة. في هذه الحلقة من صوت بلا حدود نلقي الضوء على حياتهن اليومية والاستغلال الذي يعانينه في ميدان عملهن ومشاكل أخرى. ما في الجزء الثاني من البرامج سوف نتحدث عن التظاهرات التي ينظمها مجموعة من المهاجرين، كيفية التنظيم وتحسيس التحسيس سواء الأشخاص المعنيين وكذلك الفاعلين في هذا الميدان. معنا اليوم في الأستوديو معنا زهيرة وإلك من منظمة أوركا وجمعية أوركا، معنا أيضا رشيد وبشير الذي سوف يطربنا قليلا بالجيتار، معنا أيضا أنس غواندولين ومايكا. الآن سوف on va passer au journal. Attendez, je voulais juste encore ajouter, tout à l'heure, de mon enthousiasme de récupérer de nouvelles énergies, j'ai oublié qu'Anas fait partie de notre équipe depuis un petit moment. Donc voilà, comme ça, vous savez qu'il est aussi là. Okay, on va passer au journal sans papier. Donc, ce sont des actualités qui sont passées les derniers mois. Depuis un mois et demi, l'évacuation des occupations et des arrestations des sans-papiers à Bruxelles se sont multipliées. On parle à début de ce février, il y avait les sans-papiers qui étaient installés à rue Royale 91. C'était un bâtiment communauté française, qu'ils ont aussi reçu la visite de la police et qui ont dû quitter le lieu. Le 24 février, 150 Pakistanais qui occupaient un entrepôt rue Brunier à Anderlecht ont aussi été évacués par la police en grande force. Et 17 d'entre eux sont actuellement toujours encore détenus au centre fermé. 28 février, des familles installées dans un immeuble pour la place Litz à Skarbek ont aussi reçu un avis d'expulsion par la bourgmestre de Skarbek. Le 3 mars, une occupation occupée par 26 sans-papiers dans la cave d'un bâtiment insalubre à Jet sont aussi évacués brusquement par la police en surprise et en cassant tout, en disant « c'est fini votre hôtel, dégagez-vous et revenez plus ». Le 14 mars, à 5 heures du matin, la police est intervenue rue de la Concorde, où il y avait environ 100 sans-papiers d'origine d'Afghanistan. Aussi, eux ont dû être évacués par violence et ont dû quitter lieu. Les arguments pour évacuer toutes les occupations, sont l'insalubrité, le manque d'hygiène, des problèmes de sécurité et de voisinage. Mais est-ce que ce n'est pas la peur de la lutte, la peur que les gens se rassemblent et aussi, tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent avec les évacuations de tous ces bâtiments? Est-ce qu'ils veulent que tout le monde soit à la rue? Parce que c'est ça qui va arriver maintenant. Et on va avoir encore beaucoup plus de gens à la rue, dans les parcs. Bientôt, il y a beaucoup de monde qui sont sans toit. On continue toujours avec les actualités, avec une info signée collectif Voix sans frontières. Bon, c'est un collectif qui porte le même nom que notre émission, sans qu'il y ait aucune relation entre les deux. Et donc, une personne d'origine arménienne qui a été enfermée en centre fermé de Merkplatz a été libérée suite à la rédaction d'un communiqué de presse par le collectif de Voix sans frontières. Donc, cette personne a fait une grève de faim de 20 jours pour protester contre sa détention abusive. Malheureusement, son frère, un incarcéré en même temps que lui, avait été expulsé une semaine plus tôt. Et puis, on termine avec une petite nouvelle positive, disons, pour contrer un peu les nouvelles qui nous reviennent de Lampedusa. Voici un appel à la solidarité. Donc, c'est un témoin qu'on a trouvé sur Internet qui appelle à la solidarité à Lampedusa avec les migrants qui arrivent. Donc, on peut se poser la question si voilà, l'invasion en Libye se fait pour des raisons humanitaires et tout ça, mais après, on ferme la porte pour les personnes qui arrivent en Europe. C'est un peu long, le témoignage, donc je ne vais pas tout lire. Mais ça se termine avec une petite phrase. Voici. Cette île est très belle, parfaite pour n'importe quel militant en vacances. Et les prévisions le disent. Beaucoup de soleil et bientôt plus de migrants. Donc voilà. On termine sur ça. Pour plus d'actualités, nouvelles ou mauvaises nouvelles sur les centres fermés et les expulsions, vous pouvez toujours consulter getting the voice out, .wordpress.com. Toujours sur les ondes de Radio Panique 105.4 FM. Un petit résumé en arabe des actualités. Donc, Saïd. Oui, Anas, merci. Donc, pour, on va juste essayer de faire juste un petit résumé. Moi, je vais essayer de faire les maquilles. Je vais essayer de faire les maquilles. Le 24 février, il y a une majmoua de Pakistanais qui a été arrêté par la sûreté. وحبسهم في مركز مغلق يوم 26 شخص في مدينة جيت بدون رخصة إقامة أيضا تم طردهم من سكوات ولمزيد من المعلومات حول كل ما يقع في من ناحية طرد المهاجرين من إقامتهم يرجى الاتصال بجيتين فويس أب هي جمعية تدافع عن حقوق المهاجرين الغير شرعيين أنس أيضا أظن أنك قد هناك لديك بعد ترجمة باللغة العربية لقيل وإضافة أخيرة فيما يتعلق ب بلامبوزودا بعد هناك بعد ثورة تونس وثورة ليبيا وثورة مصر هناك قدوم مكثف للمهاجرين واللاجئين نحو الجزيرة وهناك نداء من أحد المناضلين يقول أنه جزيرة لامبودوزا جزيرة جميلة وفيها مناخها جميل وهو ملائم لأي مناضل يريد التوجه إلى هناك لأنه للأسف هناك مسائل عدة يجب النظر فيها et voilà donc maintenant donc on va rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, à savoir les femmes sans papier. Donc, comme introduction, donc on va faire passer un témoignage donc d'une Marocaine sans papier. C'est un témoignage réalisé par Anas, moi-même. Je suis modeste quand même. Et monté par Céline. Voilà. سلام كريمة سؤال هو واش تقدري تحكي لنا على المشوار اللي قادك من المغرب حتى لهنا لبلجيكا Bonjour Karima. Pouvez-vous nous raconter votre parcours du Maroc jusqu'à la Belgique إيه نقدر نحكي لكم انا جيت على طريق كونطرا ديال طرافاي لطاليان من بعد مشيت خدمه في طاليان خدمت فيها بريسك 8 موا وخرجت لي لا كارت ديال بيرميسيون ابخي لا دام اللي كنت خدامه عندها تما في طاليان خاص مهم كيتكرسوا على الانسان اللي كيجي من المغرب وواحد النهاريات لقيتها كتقلب لي في ساكي باش هز لي ديك لا كارت ديالي وغوزمون لا كارت ديالي انا كنت خازناها من تما ملي شتدرت ديك الحاله هربت جيت لهنا لبلجيك ملي جيت لهنا لبلجيك مهم جيت لهنا جيت زعما مكرفصه ما كاين لا زعما لا سكن لا والو يعني تكرفست مزيان واش غنقول لكم هنا لقيت زعما لقيت شي حاجه وما لقيتش شي حاجه كاين شي حاجه مزيانه انني لقيت لي زاسيستونس وهادو واقفين معايا زعما في ناحيه هذا ولكن بور لوجمون ما لقيتش زعما فين نسكن ولا فين هذا وهذا تكرفست بزاف بالنسبه للمراه انا تكرفست زعما على بال زعما مراه كتبات في الزنقه وخصوصا ما عندهاش الوراق وجايب ورقه ديال البيرميسيون ومشكله كنت كنقلب على خدمه ولقيت خدمه ولقيتها بكونطرا قال لي واحد السيد نوقف معاك وندير كونطرا ولكن عندي بيرميسيون ديال العام ما يمكنش لي نصاوب الوراق نهائيا حاولت والو Au départ je suis partie du Maroc en direction de l'Italie avec un contrat de travail comme domestique chez une femme J'ai travaillé 8 mois avant d'avoir ma carte. Malheureusement, je me suis retrouvée exploitée. Le pire, c'est quand je me suis rendu compte que mon employeur voulait à tout prix me prendre ma carte de résidence. Pas mal de fois, je l'ai surpris en train de chercher dans mes affaires. Heureusement, j'avais caché ma carte. J'ai compris que son intention était de garder mes papiers comme sorte de garantie pour que je reste tout le temps à sa merci. J'ai eu peur, alors j'ai décidé de prendre la direction de la Belgique, sans aucune préparation, seulement avec l'espoir de m'en sortir. Je n'avais aucun logement en vue. Arrivé en Belgique, je possédais toujours ma carte de séjour italien. Et même si j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont aidée, ce n'était pas assez. Je me suis retrouvée dans la rue. Et vous savez, pour une femme, c'est encore pire. J'ai galéré et j'ai beaucoup souffert. Dormir dans la rue pour une femme, c'est l'enfer. J'ai cherché du travail et j'ai même trouvé un patron qui voulait bien m'embaucher avec un contrat. Mais ma situation administrative ne le permettait pas. J'ai essayé plusieurs fois, sans résultat. Oui, سؤال هو شقلها كلمات فهمينا شو السبب اللي خلاك تخرجي من المغرب. Quelle est la raison qui vous a poussé à quitter le Maroc? السبب هو انه تما ما كايناش الخدمه اول حاجه. ثاني سبب انا ما قارياش. ثاني سبب يعني الانسان اللي ما قاريش ولا هذا ما عنديش شي حاجه تما في المغرب. يعني ولو نبقى هذا الخدمه ما كايناش ما كاينش بزاف ديال الحوايج ما كاينينش داكشي علاش انا جيت للطاليان قلبت هذا وواحد المره هي اللي جابتني بالخدمه ماشي زعما هذا كنت خدمت عندها وعاوتاني جابتني انا هنا وزعما هنا مزيان احسن من المغرب احسن بزاف. C'est principalement pour chercher du boulot. Au Maroc, je n'ai pas eu l'occasion de faire de hautes études et donc je n'avais aucun avenir. Quand tu n'as pas la possibilité de faire des études au Maroc, il ne faut rien espérer. Je pensais qu'en Europe, même sans un bon diplôme, je pourrais m'en sortir. Alors j'ai rencontré une Italienne, j'ai travaillé pour elle au Maroc, et elle m'a proposé un contrat de travail pour me faire venir en Italie. J'ai activé l'occupation, donc je peux dire qu'il y a, voilà, qui d'azet, ou finquant l'occupation, amen, qui a acheté un tir comme une femme. Vous avez participé à une occupation il y a 2 ans. Comment avez-vous vécu cette expérience? Je vais vous dire, quand vous avez une occupation, quand vous avez fait ça, je vais vous dire. تكرفيس كنا في بيت ومجموعين حنا 8 في بيت وكانت في اورطا ومن بعد انا جلست فيها غير 3 مو جاوا لا بوليس وجراو علينا من تما وانا دابا في الزنقه دابا راه بريسك 2 زون وانا ما لقيت كاع لي فين نسكن ما لقيتوش هذا لا بروميير شوز ملي كنمشي باش نسكن مثلا تيقول لك خاص لي بابي وانا منين غنجيب هاد لي بابي هادو وانا بالنسبه ليا انا مراه شكون هذا اللي غادي يدخلني بانني نسكن معاه او نجلس معاه وهادي وهادي لان بزاف ديال الحوايج دابا المشكله الوراق هما كلشي كدور تتعيا الوراق هو كلشي بغيتي تخدم الوراق بغيتي اي حاجه حنا كنتمنوا من زعما يساعدونا غير شويه يعطوك غير شي وريقه ولا شي حاجه المهم اوموان نخدموا باش نخرجوا نخلصوا للوايي ما يمكنش حنا دابا اش غنقول لك العذاب كنتعذبوا حنا حالين عينينا ماشي هذا كنموتوا بشويه بشويه يعني كنتمنى زعما يديروا غير الحل المهم على الاقل يعطونا باش نتنفسوا حنا باغيين نخدموا ماشي جينا هذا باش نديروا لهذه جينا حنا كيتنا من المغرب على قبل الخدمه ماشي باش نجيو هنا نلعبوا او هذا وهذا زعما يعني الخدمه هي كلشي وكنتمنى زعما يقادوا لنا الامورات ديالنا هادشي اللي كنتمنى. Oui, j'étais dans une occupation à Horta. Encore une galère. Je suis restée presque 3 mois avec d'autres femmes avant que l'on soit expulsé par force. Nous étions 8 femmes dans la même chambre. J'y étais parce que, d'une part, c'était l'occasion d'avoir un toit, même temporairement, et aussi parce qu'on espérait que par cette action, on pourrait avoir des papiers. Parce que les papiers, c'est la clé. Pour trouver un logement, un travail, personne n'accepte de louer son appartement à un sans-papier. Je suis en train de souffrir, je meurs à petit feu. Je suis partie du Maroc pour travailler, et j'espère que la situation va s'arranger, pour enfin pouvoir respirer. السؤال هو ديجا كوم سون بابي حاله صعيبه ولكن سون بابي ومراه واش هي كتعني كتزيد من هاد الحاله صعوبه وماساه. Vivre comme sans papier est déjà dur, alors comme femme sans papier. حقيقه راه صعيبه هادشي بالنسبه للمراه فهمتي صعيبه بزاف بزاف زعما ماشي الا كنا في الزنقه ونا عندنا بزاف ديال المشاكل ديما خايفين المشكله اش غنقول لك حتى الحوايج ديالنا ما عندناش دابا حتى الحوايج لان ما عندناش لونجمون ما عندناش فين نجلسوا ما عندنا حتى بلاصه مكرفسين بالنسبه لما ايماجين مراه راه سي كيك شوز راه مقدسه عند الله سبحانه وتعالى راه خاصنا زعما ضروري اش غنقول لك كنتمنى غير يحل غير يعطونا غير حل واحد يجاوبونا يعطونا غير حل بغيناه كنتمنى منهم يسمعونا ويقدروا الظروف ديالنا على الاقل ملي لقاو شي حاجه يوقفوا معانا بالنسبه للكونطرا انا اش غنقول لك الكونطرا ما يقدر حتى واحد يديرها كي غندير انا الكونطرا خاصني نخلص منين انا غنجيب فلوس شكون هذا غيخدمني اللي كنمشي عنده كيقول لك انا ما كنخدمش بالنوار يعني تكرفيس بزاف زعما خصهم يحلوا الحالات ديال الناس المراه راه مكرسه اكثر من الراجل بزاف بزاف كاع بزاف. انا جيت لهنا لانني سمعت بان بلجيكا كتساعد الناس. اول حاجه انا ملي حلوا لاغيزاسيون سمعت قال لك بلجيكا كتساعد فيها اسيستونس فيها هذا وكل شيء. الحكومه ديالها مزيانه حسن من اي بي. انا كنت في بي ما كاينش بحال بلجيكا وكنتمنى يسمعوا لنا هاد الناس هادو. هادشي اللي كنتمنى ويشوفوا حالتنا يدوروا يشوفوا حالتنا فهمتي. هاد الناس اللي عندهم لونجمو مثلا ولا ساكن وعايشين في قصوره وعايشين في هذا يخرجوا يشوفوا الشارع ويشوفوا الناس كي كتعيش. راه حنا كنموتوا بشويه بشويه ونسبر. Pour une femme, c'est encore plus difficile. Par exemple, si on se retrouve dans la rue alors qu'on est femme, on a toujours peur. Sans logement fixe, sans stabilité, comment vivre sa féminité? Je n'ai même pas le minimum. Comment on peut s'occuper de soi? On dit que la femme est sacrée et doit être respectée, mais je ne vois pas ça ici. J'espère à un moment avoir une réponse, une solution. J'espère que les responsables comprendront la situation et prendront notre misère en compte. Comment avoir ses papiers? Alors que déjà, pour avoir un contrat de travail, il faut payer. Et comment trouver un travail sans papier? Personne ne veut de nous. La femme sans papier souffre beaucoup plus que l'homme. Je suis venue ici en Belgique parce que j'ai entendu dire que la Belgique est un pays où on respecte les droits de l'homme. Je suis passée par des pays où c'était pire. C'est vrai que la Belgique est un peu plus humaniste par rapport à d'autres pays. Mais j'espère que les responsables, les citoyens, ceux qui ont un logement, un travail, viendront nous voir et voir dans quelle galère on vit. On est en train de crever en silence. J'espère vraiment qu'ils écouteront mon message. Je l'espère. De retour sur Radio Panique, 105.4 FM, La Voix sans frontières. Là, on a dit qu'aujourd'hui, on réserve une place pour la femme sans papier. On vient d'écouter un témoignage touchant d'une Marocaine sans papier. Avec nous, dans le studio ELK, qui travaille pour ORCA, c'est une organisation des travailleurs pour les travailleurs clandestins. ELK, bon, peut-être avant de commenter témoignage, peut-être un petit mot sur ORCA déjà et on commence après. Parce que c'est... Ouais. Oui, alors ORCA c'est une petite ASBL qui est ici sur Bruxelles et on travaille surtout en Flandre et à Bruxelles. Et ce que nous on fait c'est défendre les droits des travailleurs sans papier. On essaye de faire ça de différentes manières. Donc d'abord, les personnes sans papier ou... tout le monde peut nous contacter avec des questions par rapport au droit ou avec une demande d'aide. Et nous, dans ce cas-là, on va assister ou on va demander à la personne d'aller à un autre service qui peut plus aider. On va aussi organiser des sessions d'information sur les droits au travail des personnes sans papier parce qu'on trouve que c'est quand même très important d'être au courant des droits que l'on a, parce qu'ici en Belgique, c'est vrai qu'autant que travailleur, tout le monde a les mêmes droits. Et après ça, avec toutes les informations qu'on récolte au bureau de toutes les personnes qui nous contactent, on fait un travail politique aussi. Ok. Là, on a entendu dans le témoignage une histoire, donc peut-être c'est pas la même histoire qui se répète tout le temps, mais quand même il y a toujours un point commun, c'est que le sans-papier, bon, la femme particulièrement, parce que bon, la femme est plus fragile que l'homme, mais bon, c'est pas... ça fait pas plaisir à tout le monde, mais bon. la personne nous raconte donc son parcours du Maroc arrivé jusqu'à ici en Belgique. Donc, elle a travaillé comme domestique, mais pas ici en Belgique. Et donc, on a compris d'après son témoignage que, voilà, le fait qu'elle travaillait dans un endroit comme ça, coupé, c'était presque coupé du monde. Donc, isolé, voilà. Donc, voilà, c'est ça qui rend encore la situation plus fragile. Donc, est-ce que vous êtes dans votre ASBL ou organisation en contact avec des gens dans la même situation? Nous on a un projet spécifique pour les femmes qui travaillent dans la domesticité et qui n'ont pas de papier. Donc justement c'est une réalité qu'on connaît assez bien parce que c'est vrai que c'est un endroit de travail très précaire parce que on est là seulement avec l'employeur. Il y a pas de supervision. C'est vraiment le travailleur, la travailleuse et l'employeur. Et c'est vraiment une question de chance de travailler dans les bonnes conditions de travail, puisque beaucoup de personnes ne sentent pas qu'elles ont la possibilité de négocier les conditions de travail, parce qu'il n'y a pas forcément des alternatives ou on ne voit pas les alternatives. Et c'est ça qui rend la situation très, très compliquée. Il faut dire qu'il y a des femmes sans papier qui travaillent à l'intérieur des maisons dans des très bonnes conditions, mais... Enfin, il y a aussi tout le contraire. Donc, c'est une problématique assez courante. Et on a aussi l'impression que de plus en plus, il y a une demande aussi de travail de ménage, soins et garde d'enfants. Et que donc, que c'est aussi pour cela qu'il y a de plus en plus de femmes qui immigrent, qui viennent ici et faire ce travail-là. Maïka, peut-être t'as une question ou... Non, mais peut-être avant de continuer la discussion avec Elke, on pourrait peut-être faire le témoignage de Zahira, parce qu'on a beaucoup de questions le travail avec les femmes que Elke fait, mais voilà, ça nous permettrait de continuer sur le témoignage de Zahira. Je vais faire une petite traduction à ce que Elke vient de dire. Traduction en arabe, bien sûr. Donc, Orka, il y a mon adama tout à fait un l'umal bidon et rochat l'iqama. Et donc, كل اشخاص بدون رخصه الاقامه سواء منهم العمال او غير العمال لكنها مختصه بالعمال العمال تعطي حصص للتحسيس بالعمل بدون رخصه اقامه ما هي واجباتك ما هي حقوقك وعندهم ايضا ويهتمون أيضا بالنساء التي يشتغلن خصوصا في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال إلى آخر زهيرة السلام عليكم. عليكم السلام. سمعتي معنا تيمونياج نتاع واش كتقدري انت كتعيشي نفس السيتياسيون ولا عندك شي حاجة ما تضيفيها؟ إيوا كيما قالت الأخت نزهة كنعيشو الحالة شوية صعيبة Donc Zahira, juste une petite traduction de ce qu'il vient de dire. Il a dit parler sur les conditions. Si j'ai bien suivi les conditions de sa condition, comme étant sans papier, c'est des conditions vraiment difficiles, surtout pour surtout pour une personne qui est vraiment isolée, qui vient d'un pays lointain. Qui se trouve ici toute seule à défaire toutes les difficultés de la société. Ouais, et c'est toujours le même point qui revient, c'est-à-dire on a quitté son pays d'origine pour espérer une vie meilleure, alors qu'on voilà, c'était un rêve. Et malheureusement, on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça. Zahira, شحال من كادي عام انت في بلجيكا؟ 2005. خدمتي شي مرات و... خدمت هكا طعم دوميناج في لا ميزون طعم دوميناج وكان الناس اغلب الشيء اللي كيستغلوا كيبغيو يخدموا كلش خدمات خوتك العظام ما بقاش مشكل مع الباج ولا مشكل مع هادي بقى مشكل مع خوتي العظام بزاف تخدمي يطمع فيك تخدمي مثلا يخدمك من وحده د النهار حتى السبعه الليل حتى 40 اورو حتى 50 ما كيكملش ولكن الثاني جلسي معايا المهم شي حوايج بزاف كطيح شي حوايج بزاف مشاكل ما كلش حنا جايين لا على مشاكل في بلجيكا مثلا بواحد الحاله الناس هنا كيعيشوا بهاد المهم كيفاش دابا طلبي شي حاجه واش عندك لابي لا الله يعاون خدمت ديجا واحد كافي السيكاتري كتفهم ديال الناج كنت عندو دو موا شغالين من بعد اوتلو ما عنديش بابي قال لي الله يعاونك حتى شتي بابي واجي خاف باب مسؤول فقلت لك خاف على نفسي ولا اختي ما عندكش بابي ندم زينا سيفيني غدا ما تجيش صافي شويه مضات والمشاكل تحت فيها بزاف الانسان فضحت كنت عجبني واحد خدمه خدمه دابا شويه نسعد راسي على الحساب وين باش تراسل كده على رشادي. Je veux. La parler sur les problèmes reconnus du travail. Sur le travail, travailler avec un salaire de 40 euros pour toute une journée. Il travaillait vraiment à temps plein et les employeurs aussi qui profitent des travailleurs, des travailleuses sans papier. Qui leur force à faire des travaux qui sont vraiment durs et ils avaient jamais le choix. Je peux aussi rajouter que des fois lorsqu'on travaille dans un endroit isolé, il y a des risques de des fois il y a des patrons qui demandent plus que du travail, donc tout à l'heure, Zahira m'a dit une chose avant la mission. Il parlait aussi d'une amie à elle qui travaille dans un snack. Elle travaille de. Ça a dû être une stadia ce matin. Donc de 6h du matin à 11h. Donc 5, de 6h du matin à 11h pour 20 euros. Donc si on fait le calcul, ça fait pas grand chose. Vraiment d'esclavage, quoi. Ça, 20 euros par jour. C'est grave. Donc voilà, le problème, c'est. Ils disent soit on travaille en noir, donc finalement, sûrement on va tomber sur quelqu'un qui va profiter de ça. Si on tombe sur un patron qui veut nous engager, vraiment, qui est un bon patron, donc il demande souvent les papiers. Donc c'est ça le dilemme. Donc je ne sais pas si des commentaires, quelqu'un peut intervenir. Adam Nahit Lamal. نقدروا مثلا نطرحوا اسئله من ناحيه مثلا اللوجمون واش كتلقاي شنو هما الاشكالات اللي كتلقايهم مثلا بيان اون جينيرال بالنسبه للمهاجرين بدون اقامه باش يلقى واحد العمل يلقى واحد السكن صعيب شويه صعيب السكن صعيب بالنسبه للنساء بدون اللي ما عندهمش الوراق فين تقريبا كيفاش كيلقاو السكن ديالهم واش العائله مساعدات عائليه ولا كيكري ولا مسائل ماديه ما فيهاش عائليه تفيتك كي ما عندكش بابي كيستغلك بزاف عاد عندنا ديجا كيت عند واحد عام وانا عنده دوم هاد الكارانتي وكل اموا تروص اورو ابري جا بريس كارتي دي عليا لونكيت قالو ما كايناش هنا دو فوا هضرت معاه قال لي وعندي الكونطرا وعندي الباي وعندي الحجه وعندي التعليل ولكن هذاك السيد شويه صعيب كيعاودوا عليه ديجا عنده البزناز وعنده المشاكل ودوز حباتات انا ما نضش ندير المشاكل معاه خليت الامور ديال الله وخلص والدوسي ضاع ليا وليت ابري عاوتو خليت الامور ديال الله لا بارلي سور سور لي سور لي بروبريتير aussi qui profitent des personnes sans papier qui leur impose un prêt vraiment vraiment cher pour un logement vraiment où il y a un manque de tous les de tout le minimum de confort. Il a parlé aussi sur il a eu une histoire par rapport à sa demande de régularisation. C'est que lorsqu'il a fait sa demande et après il y a l'agent de quartier qui est passé pour l'enquête de résidence, donc il est tombé sur le propriétaire. Le propriétaire a dit non, moi je connais pas cette dame. Alors que ils ont signé un bail qu'elle payait son loyer régulièrement. Du coup, elle s'est retrouvée avec une demande non fondée. Elle a été obligée de refaire le dossier, de trouver une nouvelle adresse. Et là, depuis 2009, c'était le mois dernier qu'il a reçu son accusé de réception. Ça veut dire presque deux années de retard. Avant d'introduire le dossier. Peut-être Gwendoline a une question ou un commentaire. Oui, j'avais juste une question au niveau du logement. Est-ce que pour les femmes, c'est pas plus difficile ou c'est peut-être plus facile de trouver un logement ? Est-ce que les propriétaires réagissent autrement si c'est une femme sans papier ou qu'un homme sans papier ? Et en plus, dans le témoignage, il y avait la femme qui a dû vivre à la rue. Est-ce que, tu vois, pour une femme, vivre à la rue, c'est juste la question autour du logement. Est-ce que ça ne leur oblige pas de prendre un travail domestique ou autre pour la peur d'être à la rue et, ouais. قالت لك بالنسبه لي بالنسبه للنساء واش سهل بالنسبه للنساء انهم يلقاو السكنه ولا صعيب؟ صعيب. وكما سمعنا قبيله التيمونياج المراه زعما ولا ما لقاتش عندها حل وتتحتم عليها انها تبات في الزنقه زعما انت كي كتفكريها في هذا الشيء. صعيب انا بالنسبه لي مراه وهذا اللاج صعيب شويه تباتي في الشارع انت مراه والمراه محترمه مؤدبه شويه ويني كان واحد الحل زعما كانوا سخوتنا مسلمين معنا فغي مسلمين ميخش مصبط في الشارع ويستغلها كيف ما كان الحل ديالها ولو عندها او ما عندهاش ماشي انسان ما عندهاش وظروفها صعيبه ما تويديها ما شافتهم مش عندها بنت في المغرب ومشاكل وجد واحد اخر يستغل لك انسان زعما شويه كنعيش المهم وفي زيد قالك خرجي عليا قلت له ما نخرجش تمشي معك فين ما بغيتي يا الحبس يا الموت جوج حالات كنعزل معك عزل لي هادو هنا اختصاصي لي زقي مسلفه مع حبايبي من العائله مصيفطوا لي باش ندير لادريس حتى يكون عندي واحد الامان حتى عندك وغطي بحال عباد الله ونخدم تمشي صغيره تبارك الله فلاج انسان من نفس 66 انسى باش انا عاد مازال عاده صغير انا كنكبر فلاج انا عندي بنتي في المغرب وعندي الامان وعندي باش نقول لك كم كفصه لا واحد يستغل لك واحد يقول لك كاين لك فتا يضحك عليك يقول لك لا ما بزاف الحوايج كنعيشهم ماشي هي هذيك صح زعما غلي والله يعاون الناس ويساعدونا شويه ما حاولتيش تلقى شي خدمه كي بحال يعني تسكني عند لا ما لقيتش خص شويه ديال الكريان ونرجع لمحل اللي كنقط خص الكريان بزاف لقيت وحده عطات لي غير في التليفون قالت لي 500 اورو وما عندك لا حد لا سبت لا والو وهي ريفيه لي ماروك قالت لي ما تخرجي ما تدخلي توجوز قصي قلت لها لا 500 اورو قلت لها لا ما نجيش وي بور جوست اون فير اون تيت تراديكسيون وي با سي سي انكور بلي ديفيسيل بور لا فام كو بور لوم et que voilà juste l'idée de juste le fait de penser qu'on peut se retrouver dans la rue c'est déjà voilà c'est déjà un cauchemar en soi et voilà et aussi bon il a essayé de trouver un travail de comme domestique c'est-à-dire essayer d'avoir le boulot et le logement en même temps mais c'était avec des conditions il faut pas sortir il faut rester voilà donc c'est vraiment de voilà et voilà il dit que voilà donc il a parlé de son âge et il raconte qu'il a une fille au Maroc et voilà c'est toujours la même histoire voilà on est là on a espéré trouver une vie meilleure mais malheureusement pour l'instant voilà peut-être donc, pour rappeler aux auditeurs que justement si vous connaissez des personnes en situation d'esclavage ou pire et, ou dans des situations très difficiles liées au travail justement Orca aide c'est des problèmes liés au travail quoi donc peut-être elle que pourrait juste rappeler comment les gens peuvent vous joindre avant de recommencer ou bien après la musique on rappellerait ça ouais, comment ouais. Les gens peuvent ouais, à mon avis on va ouais. Se mettre en contact donc, avec Orca parler encore plus sur Orca donner les contacts si vous avez je sais pas s'il y a encore des questions ou Zahia شكرا على التيمونيج ديالك كنشكركم بزاف كنشكر اصحاب الناس اللي داونا وساعدونا وكحلوا لنا هذا المجال كنشكر الاخوات والاخوان بصفه رسميه جميعا شكرا لكم مازال بخير معنا دونك ميرسي زاريا بور تون تيمونياج tu restes avec nous pour la suite de l'émission maintenant on va passer à un morceau ouais rubrique poème pour la première fois on va essayer de faire ça avec nous Bachir donc c'est la guitare Maïka pour la tradition en français et moi-même, encore une fois. Allez. Ila ummi. À ma mère. Ahinnu ila khubzi ummi wa qahwati ummi wa lamsati ummi. Je me languis du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Wa takburu fi at-tufulatu yawman 'ala sadri. Jour après jour, l'enfance grandit en moi. J'aime mon âge, car si je meurs, j'aurai honte des larmes de ma mère. Si un jour je reviens, fais de moi un pendentif à tes cils. Recouvre mes os avec de l'herbe. Qui se sera purifié à l'eau bénite de tes chevilles. Attache-moi avec une natte de tes cheveux. avec un fil de la traîne de ta robe. عساني أصير إلها إلها أصير. Peut-être deviendrai-je un dieu. Oui, un dieu. إذا ما لمست قرارة قلبك. Si je parviens à toucher le fond de ton cœur. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك. Si je reviens, mets-moi ainsi qu'une brassée de bois dans ton four. وحبل غسيل على سطح دارك. Fais de moi une corde à linge sur la terrasse de ta maison. Car je ne peux plus me lever. Quand tu ne fais pas ta prière du jour, j'ai vieilli. Rends-moi la constellation de l'enfance. درب الرجوع لعش انتظارك. Que je puisse emprunter avec les petits oiseaux. Voilà. Voilà, c'était un poème de Mahmoud Darwish. C'est un poète palestinien qui parlait sur sa mère. Elle a été exilée, donc elle a vécu. Bon, c'est pas la même que la situation de son papier, mais bon, c'est toujours un point commun, l'exil. Donc, on va continuer toujours avec les discussions. Oui. Donc maintenant, on peut accorder la parole pleinement à Elke de Orca. Désolée pour l'interruption tout à l'heure, mais voilà, on voulait passer la parole d'abord à Zahira. Tu as déjà un peu introduit ton travail à Orca. Pourrais-tu peut-être spécifier en quoi constitue spécialement votre travail avec les femmes. Donc, quelle place est-ce que la femme prend dans votre association, ou comment êtes-vous confrontée à la réalité des femmes sans papier ? Comme je disais tout à l'heure, depuis plus ou moins 2 ans, on travaille très spécifiquement avec les travailleuses domestiques sans papier. Mais avant ça, tous les appels et tous les emails qu'on avait avec des demandes d'aide, c'était principalement des hommes, en fait. On s'était rendu compte que c'était surtout les hommes qui nous contactaient par rapport aux problèmes au travail, et que les femmes qui nous contactaient, c'était souvent les femmes qui appelaient pour leur mari ou pour leur frère ou pour leurs amis, en fait, et que leur situation de travail à elles n'était pas pas souvent une raison pour nous appeler. Mais on s'est rendu compte que les femmes qui nous contactaient travaillaient souvent à l'intérieur des maisons, donc dans un endroit très isolé. Elles faisaient plein de tâches différentes. Et si on comparait les différentes conditions de travail, on se rendait compte que quand même, les femmes qui travaillaient à la maison travaillaient dans des conditions bien pires en général que les hommes qui travaillent souvent, par exemple, sur des chantiers ou dans l'horeca, même dans l'agriculture. Et que ça pourrait être très utile quand on faisait un effort un peu plus grand d'aller chercher les femmes et pas attendre qu'elles viennent vers nous, parce que c'était pas quelque chose qui était très... très facile pour elle, on a remarqué. Donc, on a commencé à chercher un peu les communautés dans lesquelles beaucoup de femmes travaillaient dans la domesticité. Et on a vu que c'était la communauté philippine, les différentes communautés latino-américaines, donc brésiliennes et hispanophones. Et on a fait beaucoup d'efforts d'aller les joindre, donc de contacter les organisations de base, aller sur les radios, aller aux églises, rencontrer les gens dans leur temps libre, parler de leur cas, donner des sessions d'information et être un peu plus présente dans leur quotidien. Et c'est par rapport à ça, on a fait d'abord une recherche pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est le travail domestique en Belgique, dans quelles conditions travaillent les personnes réellement, pour se rendre compte qu'en fait, la plupart des travailleuses sont des femmes déjà, et souvent des migrantes, et aussi très souvent des femmes sans papier. Donc on voulait comprendre comment ça se fait que c'est comme ça. Et... Donc on est allé, on s'est mis en contact avec les communautés pour avoir les informations d'elles, pour vraiment faire la recherche avec les femmes. Et après faire des recommandations politiques pour vraiment, comment dire, on s'était dit que s'il y avait autant de femmes qui faisaient ce travail-là, mais qui n'avaient pas accès à un statut légal, qu'il fallait que quelque chose change, parce que s'il y a une demande, si la, enfin, les personnes belges, les familles belges, enfin, veulent avoir une domestique à la maison, que c'est important que notre système, notre État, prévoit des possibilités légales pour des femmes étrangères, puisque les femmes belges, européennes, ne font pas ce travail-là. Donc on a fait des recommandations, mais comme on avait construit déjà des liens avec les femmes de ces communautés-là, on s'était dit que ça serait chouette de faire un travail plus en collectivité. Parce que ce qu'on faisait avant, c'était plus, et ce qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est le travail en première ligne. Donc c'est un travail individuel, une personne qui a une plainte, ou par exemple, comme ça nous arrive souvent, des domestiques qui ne sont pas payés ou qui reçoivent juste une partie de leur salaire, ils nous contactent, et alors nous, on peut essayer d'intervenir pour récupérer le salaire auquel ils ont droit légalement. Donc ça, c'est un service qu'on donne à une personne. Mais on s'était dit, il y a quand même une problématique qui est partagée, une problématique qui se produit dans tous les cas, de toutes les personnes qui viennent ici, et que si on peut faire quelque chose en groupe, on est plus fort. Mais comment concrètement vous le faites? Parce qu'avec combien de personnes vous êtes dans l'ASBL Orca? Et comment vous avez fait vraiment pour contacter toute la communauté? Est-ce que là, il y avait vraiment une bonne collaboration avec les autres ASBL là-dedans, ou des communautés eux-mêmes qui ont parlé aux femmes, ou pour avoir une personne de confiance, ou allez, comment ça se passe? Oui, on a essayé plusieurs choses, parce qu'il faut dire qu'on est juste deux personnes dans l'association, donc on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ce travail-là. Il y a 5 ans ou 4 ans, on a fait un projet d'ambassadeur. Donc on est allé dans des organisations de base pour informer sur les droits de travail des personnes sans papier. Et on a trouvé des personnes clés dans les communautés, et on a essayé de plus collaborer avec elles pour qu'elles, puisqu'elles sont déjà intégrées dans leur communauté, pour passer les informations et tout ça. C'était un projet intéressant, mais à long terme, ça n'est pas resté en place. C'est donc en début 2010 qu'on a commencé avec le projet pour les travailleuses domestiques. Et on a, enfin, c'est moi, en fait, qui va à l'église, qui va aux fêtes, qui est en contact avec les organisations. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de faire ça en étant une personne. Donc, maintenant, on travaille de plus en plus avec des bénévoles. Mais c'est que c'est très important que les bénévoles soient présents souvent, parce que sinon, ça... Il faut avoir vraiment un relais avec les gens, et qu'il va toujours la même personne et pas chaque fois une autre personne. Oui, ça, oui. Mm-hmm. Sinon, ça complique les choses. Donc, ce qu'on fait concrètement maintenant, c'est que, enfin, on a proposé de faire des activités pour les travailleuses domestiques le dimanche après-midi par rapport à les besoins qu'elles ont. Et elles nous ont dit, en fait, nous aimerions bien apprendre le français, parce que tous les cours de français, c'est pendant la semaine, et on travaille très tard, et en plus, on est très fatigué parce que c'est un travail très physique. Et après ce travail physique, devoir réfléchir comme ça, ça va pas pour nous. Donc on a besoin d'un cours de français le dimanche après-midi, et c'est ça qu'on a commencé à organiser depuis l'année passée. Donc, c'est, disons, pour nous, c'est le début du processus du travail en collectivité. Oui, et de briser la position d'isolement qu'elles ont. Est-ce qu'il y a encore d'autres moyens, par d'autres chemins, ou plus théoriques, peut-être, que vous pensez que... Comment briser cette position d'isolement, quoi, de ces femmes ce que vous... Oui, enfin, ce que, par exemple, il y a une organisation en Irlande qui fait un travail très intéressant et ce qu'eux, ils appellent outreaching, c'est vraiment d'aller chercher les personnes pour qu'elles soient informées sur leurs droits, pour qu'il y ait d'abord une conscience qui se fait, ah oui, mais enfin... on ne peut pas me faire n'importe quoi. Moi, je suis une personne, j'ai des droits ici. Même si c'est difficile à les faire appliquer, j'ai des droits. Et il y a toujours des associations ou des personnes qui vont m'aider à les mettre dans la pratique, à faire qu'elles soient réalisées. Donc, je crois que c'est ça le travail de base qui doit être fait, vraiment aller chercher ces femmes-là. Nous, on essaye de faire ça à travers les femmes qui viennent au cours de français pour qu'elles aussi, elles puissent informer les autres femmes. Bientôt, on va faire une brochure d'information spéciale pour les travailleuses domestiques sans papier. Et on aimerait bien qu'elles-mêmes, elles le distribuent. Et aussi, si c'est possible, si on a les moyens d'aller les distribuer dans les... dans certains quartiers où il y a donc presque dans toutes les maisons des femmes domestiques qui travaillent et donc aller distribuer dans les... C'est genre quel quartier à Bruxelles? À Uccle par exemple, certains quartiers à Ixelles aussi. Aussi dans la périphérie, beaucoup à Rode-Saint-Genèse, Tervuren, dans ces communautés-là, c'est assez courant. Et donc, quand on voit les routes de bus ou de tram, à certaines heures, donc les horaires où les gens de la périphérie viennent à Bruxelles, il y a les bus qui vont là-bas avec les femmes de ménage et les gardes d'enfants latino-américaines. Dans l'autre sens. Philippines. Voilà, qui vont là-bas. Okay, et comment vous réagissez par rapport à des gens qui disent, voilà... Bon, il y a différentes situations, j'imagine, mais il y a pas mal de gens qui disent, voilà, moi j'aide cette personne parce que je lui donne un boulot et je... Voilà, bon, j'imagine qu'on a différentes situations de très très graves d'esclavage, voilà, où quelque part, ici, dans notre société, entre guillemets, c'est toléré d'avoir une femme de ménage et de payer avec des... titre et service, donc là-dedans il y a toute une, voilà, différentes situations, mais comment vous c'est quoi votre position par rapport à ça, à des personnes qui disent ça et... Oui, mais d'abord il faut dire que dans certains milieux, enfin, il y a aussi les employeurs qui sont en réseau, qui sont en contact. Dans certains milieux, c'est devenu assez courant d'avoir une domestique à temps plein à la maison, donc on remarque qu'il y a une sorte de prix du marché. Genre 1 000 euros par mois pour une domestique qui n'habite pas à la maison. Et tout le monde se dit, oui, mais mon voisin et mon ami et mon collègue le fait aussi. Il n'y a pas un problème. Ça, c'est déjà un raisonnement. Un autre raisonnement, c'est aussi, oui, mais si elle ne travaille pas ici, elle n'a pas de boulot, donc je lui fais une faveur. Enfin, il y a plein de raisonnements comme ça, mais nous, on dit, on se base vraiment sur la loi. La loi. On dit le salaire minimum qui s'applique à tout travailleur en Belgique, c'est 8,50 €. C'est comme ça, c'est pas négociable. Et c'est... Il y a des moyens d'exiger... 8,50 € par jour ou par heure? Non, par heure, pardon. Très, très important à préciser, oui. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négociable et que quand nous, on intervient, par exemple, entre la travailleuse et l'employeur, on explique ça, on fait référence à la loi et on dit aussi qu'on peut passer le dossier, on peut le transférer au service d'inspection qui va faire une recherche et que les services d'inspection peuvent exiger que cet argent soit payé. C'est même possible d'aller au tribunal. Donc il y a des moyens pour faire que... ses droits de travail soient respectés. C'est juste que ça prend... Enfin, c'est des procédures assez, assez complexes. À mon avis, c'est toujours mieux de négocier avec... c'est encore mieux de négocier avec le patron pour essayer de lui rendre ce qu'il lui doit avant de passer au tribunal. Je crois, ça aussi, ça fait partie, je crois, de votre travail aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on fait très souvent et c'est vrai que... C'est la façon la plus vite de récupérer quelque chose. Oui. Donc, on fait référence aux lois. On dit, vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de payer au moins 8,50 € par heure. Et si vous ne le faites pas, l'inspection, en fait, peut donner aussi des amendes pour le travail clandestin. Et c'est quoi la réaction de l'employeur? Est-ce que la plupart, elle agissent ou bien... Ça dépend vraiment... Ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de l'employeur. On remarque dans certains secteurs, par exemple dans la construction, on a souvent du contact avec les mêmes employeurs. Ils nous connaissent après des années, ils sont plus impressionnés. Mais par exemple, des employeurs, des travailleuses domestiques, ils ont souvent des positions assez importantes dans la société, des positions politiques ou même dans les institutions européennes ou dans autre type d'organisation internationale. Et ils n'ont quand même pas envie qu'il y ait un suivi plus légal ou que ça puisse arriver aux médias. Un scandale. Exactement, que ça devienne un scandale. Donc dans ce sens-là, c'est plus facile à négocier avec ce type d'employeur. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne les plaintes individuelles. Vous avez parlé tout à l'heure des plaintes collectives, d'un travail collectif. Au lieu de travailler individuellement, c'est quoi ce travail? Est-ce que vous pouvez expliquer? Comme je disais, on organise des cours de français pour les travailleuses domestique le dimanche après-midi. L'idée de base, c'était de faire un projet de théâtre, d'expression théâtrale, de vraiment prendre peut-être le rôle d'employeur ou vraiment se rendre compte comment est-ce qu'on se comporte dans cette relation de travail et qu'est-ce qu'on pourrait changer, comment est-ce qu'on pourrait être plus forte pour prendre conscience d'abord et après se dire en groupe qu'est-ce qu'on va faire pour changer notre situation de travail. Mais c'est-à-dire que ces groupes de femmes sont très, très occupées au travail. Donc, le dimanche, elles vont souvent à la messe. Après, elles sont aussi très fatiguées. Elles n'avaient pas forcément envie de faire directement un travail militant, oui. Donc, on donne la possibilité de... Si elles ont envie de ça, on est là pour les soutenir, pour donner un appui. Mais si elles sont pas là, si elles n'ont pas envie de ça pour le moment, si pour le moment elles ont envie d'apprendre le français pour se sentir plus fortes dans la société, pour pouvoir négocier, pour pouvoir aller au magasin, faire partie de la société, si ça c'est le premier pas, on accepte que ça soit comme ça parce que parfois il y a tout un trajet, tout un parcours à faire. D'accord. Ouais, je vais parler déjà en arabe et après je vais traduire. Zahira, سمعتي شويه دابا على كتهضر على واحد الجمعيه سميتها اوركا جمعيه واش سمعتي ديجا عليها ولا جامي؟ سمعت جمعيه سمعت جمعيه ولا معرفش با ما تكون ماشي هي هذيك. Ouais. So, juste ma question c'était je voulais ouais, j'ai demandé à Zahira, c'est la déjà entendu parler d'Orca. Il me dit, ouais, bon, il y a tellement d'associations que voilà, on se perd dedans. Comme son papy, je sais que tu peux aller te faire des dévoiles, le patron de Alec, واش عارفه بلي في الحق عندك واخا ما عندك الوراقي عندك الحق انك تمشي ترفع عليه دعوى عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ ما عرفتهاش ما عرفت الصراحه انا قلت عندك ربي هو في الصراحه ماشي دحاني هو انا نسخوفوني تعرف انسان كيخاف وهادي قال شوي حضر باش نحل الباب قال لي مدام اسكوز ما فوغ لا بورت قلت له نو مسيو كون كونترول شي حاجه فوغ لا بورت قلت له لا ما نحلش ابري ساعدت السيده مولي داتني ولا السيد قال لها جبتي لي حده بلا كباغط عشان ما دوش معايا دو مع السيده اللي داتني هي هذيك تما قال دويها السيمانه وما تعاودش تجي ما كيسيون سيتي واي جي دوموندي ا زاريا سي سافي كي لافي ميم سون بابي اي لافي لو دووا كوم دو فير سو جون دو بروسيدور سا دير بوسويفر لومبلويور فوالا فير دي ديمارش يوريديك voilà, il m'a dit, moi, je ne savais pas, donc voilà, on revient à la même question, c'est que les sans-papiers, ils sont mal informés. Aussi, il me dit, moi, j'ai peur de faire ce genre de choses, parce que je n'ai pas de papier, donc, à mon avis, c'est aussi un point très important, arriver à faire comprendre son papier, que même sans papier, on a un minimum de droits. Donc, voilà. Aussi, une question très importante par rapport à la langue aussi, l'apprentissage de la langue. Parce qu'elle m'a raconté que voilà, il a passé quand même 2 ans enfermé, ou presque enfermé, et il n'avait pas trop de contact avec avec le milieu extérieur, donc il n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français. Aussi, je trouve que c'est un point très important. Donc voilà. Maïka ou Zaya? Oui. Oui, Anas. Attends, Maïka, oui. Non, je voulais voir si Zahira voulait encore réagir ou Elke. Sinon, يا ما نعسنا في الشاي وحدنا نعسنا في الشاي وعما نعسنا في حياتنا داخل الوطن نعسنا نفس الشاذي والحمد لله نعسنا واحد اللي حتى صبح الحال يصير المهم تعرف دبلك قال ما عندكش فلوس ما يبغوش يكذب لك ما عندكش وقت ما يبغوش يكذب لك بزاف الحالات بزاف الحالات كنطيحوا فيها بزاف يقول لك لا لا لا ما نكذبش ما عندكش بابي لا ولا سير كذلك وعندك فلوس واحد تقول غير سالي ما عنديش ما خدمتش يقول لك الله يعاون يجي يقول لك خرج هاد الحوايج وخرجي باش من قانون ما تبغيش تضايق معاه ما عندكش رحمك ولا يحن عليك ولا يقول انت مراه انت بالنسبه مضاف هذا الله يحشم من تحير لا والو هنا ما كيعرفوش المساله هذيك يخلصي الله يعاون j'ai encore une question pour Elk. Ah bon, je vais faire juste la traduction par moi. C'était un appel d'espoir de la part de Zahira. Donc voilà, il dit que voilà, qu'il est vraiment à bout et que voilà, maintenant c'est elle espère, comme on l'espère tous, d'avoir enfin ses papiers. Donc voilà. J'espère pour toi, je l'espère pour tous les sans-papiers. Donc on va finir en. Ouais, ça va être toujours peut-être une dernière question. Dernière question pour Elk. Ouais. C'est quoi les conseils que vous donnez aux travailleurs sans-papiers, ceux qui travaillent? Je sais que. On ne sait jamais si le patron va nous payer ou pas. Donc c'est mieux de faire des choses, prendre des photos. Je ne sais pas. C'est quoi le genre de conseils que vous les conseillez? Oui, il y a plusieurs choses. Je crois qu'une des choses qui est assez claire, mais qui ne se fait pas toujours, c'est de toujours faire un contrat verbal. Genre, autant d'argent pour autant d'heures, parce que souvent les gens commencent à travailler sans parler de l'argent, parce qu'ils se disent... J'ai pas le choix, quoi. Oui, j'ai pas le choix, voilà, ouais. Exactement. Mais qu'après, c'est très difficile à demander un salaire parce qu'il n'y a pas un salaire qui a été convenu. Donc ça déjà, c'est très important de mettre les choses au clair avant de commencer à travailler quelque part. Et après, comme on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est important de se protéger dans le sens où il faut récolter des preuves comme quoi on travaille quelque part. Parce que si après on veut exiger notre argent ou on veut réclamer nos droits, il faut prouver qu'on était travailleur ou travailleuse. Comment est-ce qu'on fait ça sans un contrat écrit, avec autre type de preuves, comme tu avais dit, avec des photos, avec des messages écrits par les employeurs, par exemple des messages qui disent le type de travail qu'il doit faire pendant la journée. Des messages vocaux qu'on vous laisse dans votre répondeur, qu'on peut toujours enregistrer. Ça aussi, oui, tout à fait. Des messages écrits même, des emails, ça peut être tout type de choses. On peut être très créatif. Mais c'est aussi important de noter tous les horaires de travail et vraiment garder ça. Et faire tout ce qu'on peut pour montrer qu'on travaille quelque part. Il y a deux semaines, il y a un monsieur qui est venu chez nous et qui s'est photographié dans le restaurant où il travaillait, où il y avait même la date qui était marquée, le nom du restaurant. Ça, c'est très bien, parce que c'est vraiment une preuve qu'il a travaillé là pendant cette période-là. Peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais encore donner les contacts, oui. Orca, et puis après, on continue avec un témoignage. Oui. Donc, vous pouvez nous téléphoner au 02 274 14 48. Je répète, 02 274 14 48. Ou envoyer un email à info@orcasite. Donc, c'est orcasite.be. Notre site web, c'est www.orcasite.be. Et juste une dernière chose pour terminer, à tous les travailleuses domestiques qui sont intéressées à suivre des cours de français.

Il se met devant moi pour que les gens ne me voient pas. Je ne veux pas que les gens me voient. Et maintenant, vous êtes à Kinshasa? Oui. Ils m'ont laissé à l'aéroport. Ils m'ont donné encore chez les policiers. J'étais au cachot encore. Ils m'ont frappé, ils m'ont fait des violences, vraiment. C'est pas gentil. Je viens de sortir hier soir. Qu'est-ce que vous pensez des centres fermés? Ils peuvent fermer ça. Si vous pouvez fermer ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Vous pouvez fermer les centres fermés, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer, vous laisser les gens tranquilles. Moi, j'étais là-bas. Je vous dis, c'est pas bien, c'est pas bien. Les gens qui restaient là-bas, ils souffrent. Ok, bah, écoutez, courage. Nous, on va essayer de... Voilà, on va en parler. Maintenant, c'est difficile, hein. D'accord. Ça va? Oui, ça va, merci. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Oui, merci. Bonne journée. Donc voilà, c'était un témoignage d'une femme qui a été expulsée, une Congolaise. On a pensé que c'était bien de passer ce témoignage parce que effectivement, c'est une réalité qui touche et les hommes et les femmes, des expulsions très violentes vers leur pays quand ils veulent absolument pas rentrer. Et comme on le voit aussi dans le film Illégal qui est sorti récemment sur les centres fermés, c'est des violences très très fortes qui sont exercées et souvent les femmes physiquement ont moins de capacité pour résister et ça peut être très très dur pour elles. Donc voilà, on pensait que c'était important d'avoir ce témoignage. Le son de la personne était très bas parce qu'on l'a appelée au Congo. Alors qu'elle errait dans les rues après son expulsion. Donc voilà. Ici dans le studio, on est presque à la fin de notre émission, La Voix sans frontières sur Radio Panique. Mais pour terminer, comme on a entendu dans les témoignages des femmes et de Elke de Orca, voilà, les femmes ne se sont pas encore mises en masse, en réseau pour créer une lutte par rapport à leur situation. Mais il y a des initiatives qui se mettent en place aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique, dont on veut parler maintenant et... faire ces mouvements, ces différents groupes appellent aussi aux femmes de les rejoindre dans la lutte, quoi. Voilà. Oui, donc voilà, donc là, bon, ça fait un mois à peu près, on a lancé un appel pour essayer de relancer le mouvement des sans-papiers. Ouais, comment on laisse... Ouais. Ouais, depuis quelques mois maintenant, ouais, qu'on essaye de rassembler toutes les personnes sans papiers à Bruxelles pour faire plusieurs actions, parce que les derniers chiffres ne rassurent pas et l'attente peut durer encore des années et des années alors que les expulsions s'enchaînent. Notre lutte est dispersée dans des petits groupes, dans des actions de désespoir et de dernier recours. Notre énergie est dépensée, nous sommes des milliers à souffrir de l'oubli et l'anonymat, des milliers à être exploités. Alors, pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas unifier nos efforts? Le droit à l'expression, c'est le seul droit qui nous reste, alors créons ensemble. Attendre n'est pas une décision, et luttons ensemble pour une solution juste et durable. Et mettant toutes les bonnes volontés ensemble pour une série d'actions qui mettront fin à la différence des responsables. Oui, donc c'est vrai que maintenant on essaye de commencer déjà par une mobilisation sur Bruxelles, mais bon, on a des contacts à Gand, et possible aussi à Liège et à Charleroi, Anvers aussi, pour essayer d'arriver à une mobilisation au niveau national. Ouais, parce que là, ça fait, en 2009, il avait, donc voilà, l'accord politique sur la régularisation. Donc, presque 2 ans après, on s'est rendu compte que voilà, c'était juste une blague. Donc, d'ailleurs, la première action, ça va être le 1er avril. Et le slogan, ça va être la régularisation en 2009 était une mauvaise blague d'avril. C'était une poisson d'avril. Oui, ouais, le poisson d'avril voilà. 2000, voilà. On va régulariser, mais à la fin du compte, ouais. Même pas la moitié, même pas 45% mais, des personnes qui ont été... À mon avis, beaucoup moins que ça. Beaucoup moins, ouais. Ouais. L'Office refuse toujours de donner des chiffres détaillés, je ne sais pas pourquoi. Bon, chaque fois, il annonce des chiffres et après, il annonce tout à fait le contraire. C'est vrai que le contexte politique est un petit peu difficile ici en Belgique, mais c'est pas une raison pour que ce soit les sans-papiers qui payent ça. On n'est pas responsable ni de la crise politique, ni de la crise économique. Donc voilà. Le problème, c'est d'arriver à cette mobilisation de sans-papiers, parce que comme on a discuté ça tout à l'heure avec le problème des droits au travail, que les sans-papiers n'arrivent pas à admettre que même si on est sans-papiers, ils ont quand même des droits. Ça se passe la même chose avec le droit à la manifestation, à l'expression, c'est-à-dire comment arriver à convaincre un sans-papier qu'il a le droit quand même de descendre dans la rue, d'exprimer. C'est un droit garanti par la Constitution. Ouais, c'est le dernier des droits, quand même on est en Belgique, on est en Europe, donc à mon avis, c'est le minimum. Le problème c'est que... on a essayé, ça fait 3 mois qu'on essaie de relancer ce mouvement. Mais le problème, c'est que on est resté au départ dans un cadre plutôt associatif et que c'était pas facile du tout. Et à un certain moment, on a compris que pour arriver à ça, il faut prendre l'initiative et que ça soit les sans-papiers eux-mêmes. Qui prennent ça en main. On a toujours besoin des associations, du soutien, tout ça, mais voilà. Moi, comme je dis toujours, c'est que c'est l'action qui crée le soutien, et ne pas l'inverse. On va essayer de commencer par une action le 1er avril, sachant que le chemin va être long. Et aussi, moi, j'arrête pas de le répéter, qu'il faut pas s'attendre que ça soit la première action qui va porter les fruits. Il faut se dire dans la tête qu'il faut plus qu'une action, beaucoup plus, à mon avis, pour arriver enfin à changer un petit peu les choses. Je veux aussi rappeler qu'il y a des réunions qui se mettent d'une façon mondiale tous les jeudis. Hebdomadaire, oui. Ouais, pardon, hebdomadaire. Ouais, tous les jeudis à la salle Encre Pigment, c'est ça? C'est à 25, oui. Encre Pigment au 25 rue Marc à Bruxelles, métro Sainte-Catherine. Je veux juste faire une petite traduction en arabe. بعد سنوات من الانتظار نعطيكم بعد بعد الأرقام حالة ترحيل 8791 حالة تسوية بعقد العمل 775 رخصة عمل حملة تسوية رفض 2009 رفض مكتب تسوية الإدلاء بالأرقام والجواب الوحيد الانتظار لأن عملية تسوية قد تأخذ عدة سنوات إذا كنتم ما زلتم تنتظرون جوابا على ملفكم في مكتب الهجرة وسئمتم من الانتظار توصلتم بجواب سلبي على طلبكم فاتتكم فرصة التسوية لستم وحدكم من يعاني عشرات الآلاف تعيش في ظروف الاستغلال والخوف والمعاناة لكن قوتنا الوحيدة هي التضامن والوحدة والتنظيم للمطالبة بحقوقنا في العيش الكريم للمزيد من المعلومات انضموا إلى اجتماعات والأنشطة كل يوم خميس على الساعة السابعة على الساعة الخامسة مساء في صال أونكر بيغمنت غوي مارك رقم 25 في بروكسل مترو سان كاترين أو ممكن أيضا الاتصال بالرقم 0492-49-57-78 على الانترنت sbbelgique.overblog.com sbbelgique.over-blog.com معنا أيضا في الاستوديو مجموعة من المناضلين اللي هو رشيد اللي هو تاهو كيناضل في هذا الميدان ديال المطالبة ديال الحصول على رخصة إقامة بالنسبة للمهاجرين الغير شرعيين وكذلك الجيتاريست ديالنا سي البشيروسي اللي غادي نتحدثوا شي شوية على العمل ديالنا والعمل ديالكم كمناضلين معنا في الجمعيات. C'est... رشيد واش عندك شي تعليق؟ سيد بشير. بشير. على هاد المبادرة ديال لي سون بابي اللي قمنا بها على محاولة جميع القوى من أجل نضال مشترك الثورة زنقة زنقة زنقة زنقة. نعم المهم مبادرة مزيانة هادي. حنا زعما راه كنشكركم على هادشي اللي درتو، كتهضروا على هاد الناس هادو اللي هما خرجوا مساكن كان بحث عن كرامة ديالهم، خارجين قلوا بلادهم وطاحوا فخ ديال الجحيم هنايا، ولا من مجيب، قليل اللي كيسمع واللي حس بهم. احنا دابا في هذه مبادره مزيانه لان حنايا نتجمعوا كاملين ونحاولوا ما امكن نوصلوا الصوت ديالنا للناس المعنيين بالامر، نقول لهم راه بلي راه حنايا راه كنتعذبوا هنايا، وبغينا الناس بغينا الدعم يكون من الجمعيات هنايا، ويكون مع دعم سواء يكون معنوي او مادي. وشكرا على هذا الموضوع. Moi, j'ai encore une chose à rajouter concernant cette initiation. C'est un appel que je lance aussi à nos auditeurs, que on a besoin de presque de tout. C'est vrai que les associations elles sont là derrière pour un soutien, mais ça, c'est un soutien plutôt logistique qu'autre chose. Malheureusement, les associations ne sont pas tous presque portées vers la lutte. On trouve beaucoup plus de soutien parmi des militants ou sympathisants indépendants. Aussi, on a remarqué qu'en ce moment, les gens ils ont peur de parler de cette question des sans-papiers. Même les associations concernées, c'est comme ils disent, c'est pas le moment de parler de ça. Voilà, c'est comme on a peur, voilà, voilà. Et à mon avis, c'est le premier obstacle déjà arriver à dire pourquoi on a peur de parler de ça, pourquoi on a peur d'aborder ce sujet. C'est pas un sujet tabou, c'est un sujet quand même de droits de l'homme. Lorsqu'on voit ce qui se passe maintenant dans les pays arabes, cette révolution, ce discours de l'Occident qui dit c'est bien, on félicite les peuples d'avoir fait cette révolution, tout ça, alors qu'on est ici en Europe on se retrouve, il y a des gens qui n'ont pas accès aux droits fondamentaux. Moi, je trouve ça un petit peu hypocrite. C'est aussi une question que je pose. Avant d'envahir les avions en Libye pour soi-disant aider les rebelles à faire sortir Al-Qaddafi, à mon avis, il faut déjà commencer par voir chez lui. C'est pas si un commentaire à part d'une invité. Gwendoline, peut-être un dernier commentaire. Non, c'est juste que, la première action en avril, c'était à quelle heure alors? Oui, c'est un rassemblement devant l'Office des étrangers entre 14h30 et 16h. Donc le slogan, ça va être « La régule 2009 était une mauvaise blague d'avril ». Donc l'adresse de l'Office des étrangers, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 59 Chaussée d'Anvers, 1000 Bruxelles. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le soutien, les gens qui veulent connaître plus sur notre initiative, donc des réunions hebdomadaires sont organisées chaque jeudi à 17h à la salle Ancre Pigment, 25 rue Marc, 1000 Bruxelles, à proximité de métro Sainte-Catherine. هناك مظاهرة بقرب من مركز المهاجرين يوم الفاتح من أبريل ويوم 1 أبريل على الساعة الرابعة مساء بالعنوان التالي الذي اللي ما كيعرفش فين جار لوفيز اتخونجي هو حدا لا غاردي نور مترو لا غاردي نور 59 شوسي دونفيرس 1000 بروكسل يوم الواحد من أبريل على الساعة الرابعة مساء، فكونوا جميعا في الموعد. Et pour rassurer les sans-papiers qui veulent nous rejoindre, on a quand même demandé l'autorisation pour ce rassemblement. Donc voilà, on va le faire. كما قال أنس هاد التظاهرة تكون مرخصة يعني حتى واحد ما يخافش سواء اللي عنده الورق ولا ما عندهش فهذه هي تظاهرة قانونية 100%. Donc, oui, bon, peut-être on arrive à la fin de l'émission, sauf s'il y a encore des commentaires. Je tiens à remercier Elke de l'organisation Orca. Merci beaucoup, bon courage avec votre travail. Merci beaucoup. Espérons que ça va changer un petit peu les choses, qu'il y aura d'autres associations qui feront la même chose, parce que quand même, c'est un bon travail. Je tiens aussi à remercier Zahira, notre témoin. Merci. De... Merci, Anas. Oh. Merci الاخ سعيد والاخوات والجميع كنشكركم بزاف على هذا المبادره كنشكركم قلت لنا مع الله هذا الشيء خرجنا بشي نتيجه ان شاء الله زوينه شكرا voilà donc merci à tout le monde et peut-être après donc تقريبا نشرف على نهايه البرنامج نشكر ضيوفنا الكرام شكرا اخ شكرا كنشكركم بزاف نرحب بكل من يريد دائما المشاركة معنا والانضمام إلينا فريق البرنامج هذه العودة الثاني سعيد فيصل أنس مايكا سيلين غواندولين تقني يوم لي ما حضرش معنا اليوم لكن هناك أنس بغي avant finir agenda pas غواندولين bon donc il y a pas seulement le rassemblement le 1er avril par le mouvement de sans papier mais il y a aussi Le 31 mars, il y a un fin de l'accueil d'hiver. Donc, ils vont faire un camping pour une politique de logement durable à la place Albertine. Donc, il y a une demande pour emmener toute votre tente et placer la tente là-bas pour dire que ça ne va pas comme ça, qu'on ne peut pas juste seulement créer des accueils de logement pendant l'hiver et après, le 31 mars, mettre tout le monde dehors. En plus, je pense aussi toutes les occupations qui ont été évacuées. Toutes les gens se trouvent aussi dehors de nouveau. Donc, c'est un masse de gens qui vont se retrouver dehors le 31 mars à Bruxelles. Et alors, il y a ce lundi, le 28 mars, il y a une réunion qui est organisée par No Deportation. C'est pour faire un appel aux militants, activistes, de venir à cette réunion, mais aussi des gens qui veulent savoir plus comment ça se passe dans les centres fermés et les expulsions. Donc c'est une soirée d'info pour organiser un réseau qui va faire des visites dans les centres fermés et qui va essayer de faire des actions à l'aéroport pour empêcher les expulsions. Donc ça, c'est pour lundi 28 mars à 19h au Jésus. Jésus, c'est la rue traversière numéro 2 à côté de métro Bétanique. Et en plus de ça, cette semaine-ci, il y a toute une semaine que la Ligue des droits de l'homme organise des journées d'information. Mais un des jours qui est assez important pour les sans-papiers, c'est le 30 mars. Le sujet, c'est l'insécurité des personnes sans papier. Et donc, c'est à Théâtre Varia, à Saint-Gilles. Pour avoir plus d'informations, pour s'inscrire, il faut aller voir le site web de la Ligue des droits de l'homme. Bon, ça concerne l'agenda. Et comme on a encore notre autre invité... la guitare et on va clôturer cette émission aujourd'hui sur la voix des femmes et des femmes sans papier. Ouais, donc avant de finir avec notre guitariste Bachir, donc je tiens à rappeler que l'émission sera rediffusée donc deuxième samedi du mois. Et notre prochaine émission, donc ça va être le dernier samedi du mois prochain. Donc merci à tous et on vous laisse avec une chanson berbère à Mazir. Thank you. كرزن ميت نامود غيد الرفان كرزن كي غولينو تيكي ورزنان ماش نصب راس نشكوين غاد قان ماش نصب راس نشكوين غاد قان يربى الباز مدو أنت ويتاري كمية نور ضرورة تيني تازا زالي لكم زقسا قيتان خفر بي تجد الهم يا نكمي مضينا نفالها